cours numéro 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Akhadna fi darsina al-sabiq baban muhimman. Ma hu? On a étudié ensemble dans le dars précédent un chapitre important. Ma hu? Fadda. الأصول الثلاثة ما هي؟ من ربك ومن دينك ومن نبيك. هذه الأسئلة والأصول هي ça c'est les questions. لكن si on te demande c'est quoi les أصول, les trois fondements, tu réponds. نعم. نعم معرفة الله ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة الدين. C'est ça l'usul al-thalat. Et c'est la réponse aux trois questions que l'akh il a cité. وهذه الأصول مذكورة في حديث من تذكرون؟ ها تفضل. حديث البراء رضي الله عنه. البراء بن عازب رضي الله عنه. وذكر الشارح الشيخ نجمي رحمة الله عليه أن الرب يعرف بأمور ما هي تفضل نعم يعرف عز وجل بالآيات الكونية والآيات الشرعية ما معنى قول أهل العلم الآيات الشرعية الله سبحانه وتعالى on le connaît par deux moyens avec l'ayat al-shar'iyya ou al-kawniyya. Ma ma'na l'ayat al-shar'iyya عندك? L'ayat al-shar'iyya ou l'ayat min al-Qur'an? L'ayat al-shar'iyya ay al-Qur'an, al-wahy. Al-abd y'arif rabbahu bi al-tadabbur fi hadhihi al-ayat. Si médite sur ces ayat, al-ayat huna bi ma'na c'est pas al-aya, le verset, ay min al-Qur'an karim. Là, al-ayat huna bima'na al-alama, ay c'est les signes. Comment reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala? Le premier signe, c'est al-ayat al-shar'iyya, ay al-wahy. Ou al-ayat al-kawniyya, ma ma'na al-ayat, qawl al-ulama al-ayat al-kawniyya, indaman? Al-makhlouqat. C'est quoi le rapport entre al-makhlouqat ou ma'rifatullah? Tadda. Azza wa jal, n'am. Ahsan. Ces makhlouqat, ça montre qu'il y a un khaliq. C'est des ayats. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala amara fil Qur'an an al-insan yatafakkar wa yatadabbar fi hadhihi al-ayat. Khalq as-samawati wal-ard wa al-bihar wal-ashjar wal-anhar etc. Tout ça, ça montre an al-khaliq li hadhihi al-umur mada? Toutes ces makhlouqat, ça montre que al-khaliq azza wa jal n'am, annahu il est azim, annahu il est qadir. أنه لعليم لأن الضعيف الجاهل il peut pas créer toutes ces choses أبدا فالتدبر في هذه الآيات الفائدة لعظيمة ذكر تعريفا للإسلام قول المؤلف معرفة الدين أي دين الإسلام وذكر تعريفا من يذكره كيسي كي نسيت التعريف دو الإسلام كي لا سيتي هنا عند من؟ ها تفضل الاستسلام للتوحيد الاستسلام للتوحيد الاستسلام لمن؟ الاستسلام لمن؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد لله بالطاعة والانقياد له والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله والبراءة من الشرك وأهله أحسنت هذا تعريف الإسلام وسيأتي إن شاء الله تعالى ثم ذكر ما يتعلق بمعرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر الشارح صفتين لهذا النبي. دو وصف pour ce نبي عليه الصلاة والسلام. عندما تفضل لا السؤال أن الشارح إلى ستة دو كاركتيريستيك دو بروفيت عليه الصلاة والسلام. نعم أنه عبد ورسول. هذا مهم. عبد تستفيد من هذا الوصف ماذا؟ أي الرسول صلى الله عليه وسلم سان عبد سان بشر سان اتخمان سان عبد لله. تستفيد ماذا؟ Tu peux retirer des leçons minhada. Mitl la ya'buduhu. Na'am, annahu la yu'bad min dunillah. Limadha? Li'annahu sa'abd alayhi salatu wassalam. Kadhalik la yu'taqad fihi annahu ya'lam al-ghayb aw annahu na'am yu'bad min dunillah aw yusaf bi-shay' min ar-rububiyyah. La. Sa'abd alayhi salatu wassalam. من انحرف في هذا الباب من الضلال؟ كيسكي سيقعي في هذا الباب من الضلال؟ عندما عندك؟ نعم عندك النصارى. النصارى يعتقدوا في عيسى بن مريم عليه السلام أنه إله. فإنه إلبي دو دغري دو عبد ونيبو دو الرب عز وجل. فانحرفوا ضلوا سيدي مشركون كفرة. فنحن كسوا عيسى عليه الصلاة والسلام أو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو نبقتك النبي سنعبد إلى أكن بار دان الربوبية أو دان العبادة عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ بوركوا؟ لأن العبادة عندما سنحق ست عبادة لغزغفك الله عز وجل. دونك النبي صلى الله عليه وسلم سنعبد. ما الدليل أن العبادة سيحق لله عز وجل وحده؟ تفضل. قوله تعالى وأن المسجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. أحسنت. فلا تدعوا مع الله أحد. والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنة من يحفظ دليلا من السنة؟ تفضل. تفضل رضي الله عنه. أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدمد معاد ما حق الله على العباد. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يلي يدمد أن حق الله على العباد العبادة توحيد. كذلك قول الله عز وجل وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قوله ورسوله تستفيد من هذه اللفظة أو من هذا الوصف كذلك فائدة عظيمة. ما هي؟ أو دي فوائد. تفضل. للاتباع. أي نعم أنه عليه الصلاة والسلام سأرسول. فسيبا أنهم أن اتخمان كم لزوتر من حيث أنه سنبشر ولا يعبد. لكن الله سبحانه وتعالى فضله على السائر الناس بالرسالة. الله سبحانه وتعالى إلا إلوذي avec هذه الرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك ستكون قيل أنه سان رسول أي أنه مرسل من عند الله عز وجل إلى غادي حقوق كنا سيتي. قال الأخ الاتباع السو رسول il doit être suivi. فالنبي صلى الله عليه وسلم il a été envoyé pour être suivi pas pour être adoré. كذلك هذا الرسول من حقوقه كنا سيتي. تفضل. أننا نحبه on l'aime أكثر plus que نعم plus que nous-mêmes. يحب أكثر من النفس ومن الولد ومن الأب ومن الأم إلى آخر. حديث أنس qu'on avait cité رضي الله تعالى عنه. Et d'autres حقوق qu'on a cité dans le درس précédent أو dans d'autres دروس. من انحرف في هذا الباب؟ كي سي إيغاري في هذا الباب؟ Al-Nasara, ils se sont égarés par rapport à leur Nabi dans ce wasf, Al-Ubudiyya. Fa'taqadu fi Isa annahu c'est l'ilah. Ou le fils de Allah. Ou annahu c'est lui-même le Rabb. Ila akhir. Fa'nharafu fi had. Ils ont exagéré. Man inharafa fi ma yata'allaq bil risala. Al-Man? Al-Yahoud. Mada qalou? لا يؤمنون بالرسول أو يحاربونهم حاربوا عيسى عليه الصلاة والسلام وحاربوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يحترمونهم يغسبكتبا الأنبياء يلزانسل بل قاتلوهم يلزان كومباتو عيادا بالله فالنصارى اعتقدوا أو انحرفوا أكوز دل غلو l'exagération, et ça, ça te montre qu'on a min a'azam asbab al-inhiraf al-ghulu fi al-salihin fi al-anbiya et al-yahoud inharafu min bab adam al-taqdir, et ils n'ont pas donné l'importance à ce rasoul. Ça te montre qu'on a le juste milieu, c'est tariqat al-nabi alayhi salatu salam, ummat al-islam, c'est une umma qui est à l'ouest abdun ou Rasoul. Ça te montre le juste milieu. On n'exagère pas et on l'élève au-dessus de son rang et on l'adore ou on pense que c'est un Rabb, iyadam billah. Kadhalik, on lui donne de l'importance, on l'aime et on le suit et on sait qu'il doit être suivi, etc. Ça te donne le juste milieu. Thumma, il a cité Shay min nasab al-Nabi alayhi salatu wassalam. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. اتفق العلماء أن les ancêtres du prophète صلى الله عليه وسلم jusqu'à Adnan, un de ses ancêtres, ils sont unanimes de Adnan jusqu'au prophète صلى الله عليه وسلم. Ils sont un arbre généalogique بالاتفاق. Avant Adnan, de Adnan jusqu'à Ismaïl, il y a un خلاف كبير بين أهل العلم. أما دعا عدنان جسكنا تخفة محمد عليه الصلاة والسلام هذا بالاتفاق وراجعوا continue comme ça المراجعة c'est important في العلم هذه الدروس pour bien maîtriser الدروس et pour bien comprendre أي لتستفيد أكثر وأكثر il y a plusieurs مراحل il y a plusieurs étapes bien sûr assister au cours الحضور كذلك قيد الفوائد prendre des notes et on rappelle à nos frères أن prendre des notes t'écris pas tout il y en a كثير من الكلام qu'on cite نحن فقط on détaille ou on essaye d'expliquer d'éclaircir ce que الشيخ نجمي رحمة الله عليه ici mais tu notes un tas des choses qui sont importantes et qui sont pas notées هنا مثلا la référence d'un hadith مثلا un تعريف qui est pas cité هنا une référence. On essaye de ne pas trop sortir du livre. كذلك, donc assister, prendre des notes et la révision. Al-Muraja'a. هذا c'est مهم pour طالب العلم. أنه il fait les asbab pour bien comprendre الدروس. Celui qui est régulier et il note s'il y a besoin de noter. كذلك يراجع المراجعه. Tout ça avec استمرار et إخلاص, فإنشاءالله سيستفيد. خاصة هذا العلم للسهل. علم التوحيد من أسهل ما يكون لمن وفقه الله عز وجل. كذلك الحفظ حفظ المتن ساس من أهم الأسباب لإتقان الدرس pour bien maîtriser le sujet الحفظ بل celui qui حفظ الأصول الثلاثة وكذلك القواعد الأربع الشروط شروط لا إله إلا الله نواقد الإسلام كتاب التوحيد تكفيه. فنحن conseille les frères de apprendre الأصول الثلاثة. الحمد لله كثير من إخواننا ils l'ont appris. Et de cette رسالة celui qui va apprendre, enfin inshallah il apprendra الشروط شروط لا إله إلا الله. كذلك نواقد الإسلام de cette رسالة. ثم si on rajoute كتاب التوحيد avec الأصول الثلاثة et ses شروط et ses نواقد, enfin inshallah في باب التوحيد celui qui a appris هذا il sera à l'akhir. Et on conseille les frères qui sont avec nous de continuer في الأربعين notre dars de Al-Arba'in Nawawiyya qu'on a bientôt fini en langue arabe, on les conseille de continuer à apprendre. Ne mélangez pas. Celui qui n'a pas fini, il finit. Summa, tu apprendras autre. À ma mélanger, ne pas finir et rajouter là. Finissez. Summa, quand vous avez fini, révisez. Summa, quand il est un hirb tayyib, tu l'as bien mémorisé, tu passes à autre chose. Et Inch'Allah, on s'entraidera pour voir c'est quoi Al-Munasib. Qala Al-Mu'allif Rahimahullah. أصل الدين وقاعدته أمرا وهذا الباب المهم لا باس دو سو الدين الأصل وقاعدته القاعدة كذلك سي لا باس دون شوز قواعد البيت سي الأساس لي فوندمون لا باس أمرا دو شوز دو فوندمون بور سو الدين الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه premier fondement التوحيد c'est أصل الأصول الله سبحانه وتعالى خلق العباد من أجل هذا كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون à la base de l'islam c'est التوحيد tous les autres أعمال ils suivent هذا التوحيد أي si التوحيد il est pas bon الأعمال ils sont pas acceptés. Et هذا التوحيد c'est معنى لا إله إلا الله. C'est l'explication de لا إله إلا الله c'est التوحيد. التوحيد في العبادة. الثاني le deuxième fondement الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. Deuxième أصل الإنذار عن الشرك. أي faire attention. S'écarter du shirk. Le deuxième, il contredit le premier. Tu es obligé d'avoir les deux. At-tawhid, l'appliquer et aimer ceux qui l'appliquent, aïe al-mu'minoun, al-mu'ahidoun. Et le deuxième fondement, s'écarter du shirk, détester le shirk et détester al-mushrikin. Notre dîn, il est fondé sur had. Thumma as-salat wa ikhraj al-zaka. Le bon comportement, tout ça, ça vient après. Amamada, ça teste vide. Avec un bon comportement, si un de ses fondements, il manque. Ou les deux. Mada, ça teste vide. Ou lâcher. C'est pour ça que l'Anbiya ou le Rasul, ils ont commencé par ces deux fondements. Ces deux fondements, Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullah alayhi, c'est min kalam, kama fi ad-durar as-saniyya. Et son petit-fils, l'imam, al-muhaqqiq, al-shaykh Abdurrahman ibn Hassan, rahimahullah, il les a expliqués fi al-durr al-saniya kadhalik. Ça, c'est pour la référence. Amma huna, al-muallif, il a cité les deux points, et shaykh al-alama, al-najmi, rahmatullah alayhi, il va expliquer brèvement. Qala al-shaykh al-najmi, rahimahullah, amran wa huma, deux points essentiels. قال الأول أن يخص العبد الرب وحده بالعبادة دون أي أحد سوى. premier fondement التوحيد في العبادة. معرفة الله qu'on a cité dans le premier dars أي reconnaître Allah سبحانه وتعالى avec ses آيات كونية et شرعية c'est مهم الإيمان بالله لكن لا بد من العبادة. Amma, comme on avait expliqué dans le dars précédent, mujarrad ma'rifa, une reconnaissance faqat sans ibadah, la tamfa'a. Iblis, il a jamais renié en Allah, il existe. Iblis, il sait très bien que Allah, c'est le créateur. Malgré cela, c'est un kafir. Il sait très bien que c'est Allah qui l'a créé. Malgré cela, c'est un kafir. Donc, ces deux points, ils sont azim et ils sont muhim. Qala, ka'inam man ka, wa an yad'u l'abd. إلى توحيد ربه أو ربه وإلهه إن أمكنه ذلك. Donc العبادة حق لله. On n'a pas le droit d'adorer autre qu'Allah. كائنا من كان. ملك مقرب أو نبي مرسل أو صالح عابد. Malgré le rang élevé qu'il a عند الله, on n'a pas le droit de l'adorer. العبادة حق لله وحده. قالوا أن يدعو العبد إلى توحيد ربه وإلهه إن أمكنه ذلك. Et celui qui a du ilm, qui a l'qudra, de appeler à ce tawhid, fakadalik, c'est muhim. Donc tu dois croire, tu dois appliquer et tu dois appeler. Trois choses muhim qui sont citées fi surat al-asr. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. C'est ça, da'wat al-rusul, imanun, amalun et da'wa. Et tout ça, ça demande du sabr. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, obligé de patienter. لِأَنَّ أَعْدَاءَ اللَّهِ, la chose qui les dérange le plus, c'est هذا. Cet appel au tawhid. Cet appel au tawhid et كَذَلِكْ تَكْفِيرُ مَنْ تَرَكَهُ. Ashaddu ma ala al-kafir, c'est de lui dire ce que c'est un kafir. La yuhibbuna dalik. C'est pour ça qu'ils ont combattu al-rusul. C'est pour ça qu'ils ont combattu atwa' al-rusul. Donc nous avons fait des efforts fi hada. Qala in amkanahu dalik wa yuhibba fi wa yubghidha fi. Ay yuhib fillah pour rapport à ce tawhid et déteste fillah pour rapport à ce tawhid kadali. Celui qui applique tawhid, il l'aime et il le rapproche. C'est ça, al-wilaya. Et celui qui contredit ce tawhid, qui délaisse ce tawhid, il l'écarte et il le déteste. C'est ça, da'wat al-rusul. Amma da'wat al-duhal al-an, qui appelle à aimer tout le monde, à être tolérant, à se rassembler, il a akhiri, tout ça c'est minad dalal. Da'wat al-rusul, ils ont donné de l'importance à ce tawhid. Ils ont donné de l'importance au wahi, à la révélation, pas à l'ahwa. Al-Kuffar, vous avez remarqué, ils appellent beaucoup à Had. Et ils financent, ils aident, ils rapprochent les musulmans qui appellent à contredire ce asl. La fraternité, la tolérance, il a akhiri. Fahdar. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé Rasoul qu'on doit suivre. Dans ce point et autre, qala, wa yuwali alayh, wa yu'adi alayh. Al-wilaya, c'est de rapprocher quelqu'un, l'aimer, al-nusra kadalik, le secourir. Et entre mouahid, entre mu'min, entre muslim. Et on doit s'aimer, on doit s'entraider, on doit se secourir. Qala wa yu'adi alayh. Al-adawa, c'est fondé sur al-bourd. On doit les détester, fillah. Pourquoi? Pas parce qu'ils nous ont fait du mal, ou parce qu'ils nous aiment pas, ou parce qu'ils nous insultent. Là, on les déteste. Li'annahum kafaru billahi azza wa jalla. C'est pour ça que même s'il te fait du bien, même s'il a un bon comportement avec toi, même s'il essaie de se rapprocher tant que c'est un mushrik, tubriduhu billah. Pourquoi لأن المحبة البغض c'est par rapport à ce asl, pas par rapport à nous. أما بعض المسلمين بسبب جهلهم مثلا يقول pourquoi tu dis que اليهود والنصارى مثلا c'est des kuffar, on doit les détester alors qu'ils ont un bon comportement, ils nous ont rien fait, ils t'ont rien fait à toi. لكن يحاربون الرسل. Le fait que normalement qu'ils ont de la rancœur et de la haine envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, normalement ça nous suffit. Lakin Ba'd al-Juhal, il regarde que lui. Il dit maintenant ils ont un bon comportement. Quel bon comportement? Wala yu'minuna bi ar-rasul wala bil Qur'an. Quel bon comportement? C'est des ashrar. Lakin kathir min an-nas, al-haqiqa, ils se comportent par rapport à leur nafs, par rapport à l'hawa. C'est pour ça que vous avez remarqué que Mithla Ha'oula al-Juhal, il déteste Ahyanan son frère muslim. Pourquoi il y en a ce muslim, il a eu un mauvais comportement, ou il a eu un différent, un problème, il le déteste dans tout. Alors que c'est son frère muslim. La base, c'est At-Tawhid, c'est un mouahid, on l'aime. C'est un mushrik, on le déteste. Qala, fa inna al-mualata wal-mu'adata min usuli ahadad-din. Aimer. Se rapprocher, se rassembler autour du tawhid, c'est un fondement de ce din. Détester, s'écarter du shirk et des mushrikin, c'est un fondement de ce din. Qala, faqad akhbara Allah an Ibrahim alayhi salam annahu tabarra'a min qawmihi wa min ma'budatihim allati ya'budunaha min dunillah. C'est ça l'ilm. Al-Sheikh al-Najmi rahmatullah alayhi, il a expliqué Al-Qa'ida, avec ces deux points, ثم il argumente avec un dalil. C'est ça l'ilm. Ibrahim, alayhi salatu wassalam, c'est un nabi, c'est un rasoul, c'est Khalilullah azza wa jal. Le comportement qu'il a eu avec son qom, c'est muhim de le connaître. Kadhalik, celui de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Thumma, si on connaît leur mouqif, comment ils se sont comportés, c'est nos exemples, on les suit. On ne suit pas Al-Juhal d'aujourd'hui. Ils appellent à certaines choses, la tolérance, pourquoi vous dites telle chose, pourquoi vous acceptez pas les autres, pourquoi vous êtes renfermés. Al-An, si cette personne, si cet homme ou cette femme, c'est des musulmans, on leur pose la question, est-ce que Ibrahim il est à la haqam là? Si c'est un musulman, là, Boudi dit na'am. Il n'a pas le choix. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est à la haqq ou amla. Il va dire na'am. On lui dit, on revient à Ibrahim et à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fi hada wa fi ghayr. Et on ne fait pas passer ma parole ou la tienne. Là, on revient à Ar-Rasoul alayhi wa sallam. Fa mathalan, ce verset, ta'ammalu, qala ta'ala, id qala Ibrahim li abihi wa qawmihi, innani bara'um mimma ta'budun. إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. إبراهيم عليه السلام il était seul. Son قوم, son père, منهم حاربوه قال لهم هذا. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه. Il dit ça à son père et à son قوم. Il a pas dit il faut être tolérant, il faut accepter les autres, on est tous des frères. أبدا. قال إنني براء مما تعبدون. Bara'um mimma ta'budun, il s'est désavoué. Et la shak anna Ibrahim, il détestait hada, il détestait ceux qui faisaient hada. Qala illa alladhi fatarani fa innahu sayahti. Sauf alladhi fatarani, ay Allah subhanahu wa ta'ala. Al-fatir min asma'illah. Ça ressemble au khaliq, ay alladhi yakhluq. Qui c'est qui résume ce point? Le premier, avec kalam mukhtasar. Avec ces mots à lui, hatta on voit, est-ce que vous avez compris? Faddal. Naam. Le premier point, bima'na tawhid al-ibada. Explique. Naam. Awwalan, adorer Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika la. Thaniyan, nuhib al-muwahideen. فأنا أدعو الله سبحانه وتعالى سل ونحب الموحدين أي ceux qui appliquent ce tawhid نحبهم كذلك une autre chose importante شيء مهم تفضل سيأتي هذا في الثاني لكن ما يتعلق بالتوحيد أن من تركه أنه كفر بالله trois choses on adore Allah سبحانه وتعالى سل on aime ceux qui adorent tous ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala seul, ce qu'on appelle al-muwahidun, ça vient de tawhid, muwahid, ay yuwahid Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième point, man taraka hada tawhid, celui qui délaisse hada tawhid, c'est un kafir, on a cette aqida. Cheikh Abdurrahman, comme qulna lakum, il a expliqué hada al-asl, ou ces deux, na'am, cette qaida, ces deux points. Qala, naqra min kalamihi bi-ikhtisar, قال وأدلة هذا في القرآن أكثر من أن تحصر كقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله. Vous rappelez le point أن on a oublié, نحن on a cité 3, on rajoute 4, أن celui qui a le قدرة, il appelle à ce tawhid. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال عز وجل قل يا أهل الكتاب أي قل أي يا محمد يا أهل الكتاب أي aux gens du livre تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. C'est quoi cette كلمة؟ ألا نعبد إلا الله. تستفيد une فائدة عظيمة par rapport à لا إله إلا الله de ce verset. عندما qu'est-ce que tu retires de ce verset par rapport à لا إله إلا الله؟ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. Une كلمة qui va nous rassembler tous. ثم قال عز وجل Allah n'abuda illallah. La kalima, c'est la ilaha illallah. Donc, tu retires de ce verset ma'ada? Une fa'ida azima par rapport à la ilaha illallah? Indak? Na'am, de ce verset, tu vas comprendre la ilaha illallah. Elle est où l'explication de la ilaha illallah dans le verset? Indak? Allah n'abuda illallah. C'est ça l'explication de la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala il l'a expliqué dans ce verset il a kalimatin sawa'in baynana wa baynakum thumma il a expliqué la kalima an la na'buda illallah c'est ça la ilaha illallah et un nabi sallallahu alayhi wa sallam il a appelé ahl al-kitab wa jami'an nas ila hada c'est ça le premier point Et il a détaillé qalidan. Al-ibada, on l'a déjà expliqué kathiran. Vous avez remarqué, là, on parle beaucoup de ibada. Il faut unifier Allah dans l'ibada, il faut adorer Allah seul. Al-ibada, inshallah, c'est maîtrisé à la indaman. Qui c'est qui nous rappelle le tarif de l'ibada pour les frères qui n'étaient pas là? أحسنت اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Toutes les paroles, tous les actes que Allah il aime, que ça soit apparent ou caché, c'est ça l'ibada. مثلا الله سبحانه وتعالى il aime الصلاة, c'est une ibada. Allah il aime ceux qui font le hajj, c'est une ibada. Allah il aime الصدق, c'est une ibada. وهكذا. Toutes ces choses tu dois unifier Allah. Tu n'as pas le droit de faire ces choses pour autre qu'Allah. واحد في الحج pour autre qu'Allah, عياذا بالله. واحد في الصلاة pour autre qu'Allah. Tout ça c'est du shirk. واحد sacrifie pour autre qu'Allah. واحد fait دعاء à autre qu'Allah. Il demande à autre qu'Allah dans une chose qu'il y a qu'Allah qui est capable. Tout ça c'est du shirk بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية par rapport à الولاية رحمه الله كما في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان الولاية ضد العداوة لأن dans le أصل qu'on a vu أن توالي الموحدين. Ça s'appelle الولاية. Tu dis فلان c'est un ولي من أولياء الله. Ça veut dire quoi الولاية? C'est ضد العداوة. C'est le contraire de العداوة. العداوة ils traduisent par animosité, par la haine. الولاية c'est le contraire. أي aimer et détester. قال وأصل الولاية المحبة والقرب. الولاية elle est fondée sur deux choses. المحبة والقرب. أي ce tawhid, et unifier Allah subhanahu wa ta'ala fil ibada, tous ceux qui appliquent ce tawhid, tu dois les rapprocher et tu dois les aimer. Ceux qui combattent, qui n'appliquent pas ce tawhid, c'est l'inverse. قال وأصل العداوة البغض والبعد. Tu dois les détester et t'écarter d'eux. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala شرع لعباده المؤمنين الهجرة. فالهجرة fi sabilillah azza wa jalla, c'est une application de ce tawhid. Pourquoi un mu'min doit faire le hijra? C'est pas pour améliorer sa situation dunyawiya et pour avoir un meilleur travail, pour se marier. Abadan. Al hijra, c'est li tahqiq hadha al asl al azim. Pour s'écarter des kafara, li annahum ils détestent le rasoul, ils combattent le rasoul, ils n'aiment pas l'islam. Fa al mu'min il peut pas rester avec haoula, li annahum ils les détestent fillah. Fa il s'écarte. Et il va dans un pays musulman et il se rapproche de ses frères. Que ce soit fi umur ad-dunya ou ad-din. C'est ça le hijra. Fi sabilillah. Celui qui a cette niya, et c'est ça son objectif, même s'il se rend dans un pays musulman et il y a du dhaaf par rapport au travail, ou le comportement de certains, ou des manques dans la médecine ou autre, tout ça, fa al-haqiqa, ça ne poussera pas à critiquer ou à délaisser. Critiquer ce bilan musulman ou à délaisser. Là, il sait où, pourquoi il est venu. Il n'est pas venu pour dunya. Là, il est venu que pour appliquer هذا الأصل. ولكن أكثر الناس لا يعلم. الهجرة, c'est pas qu'un déplacement. فقط. Là, الهجرة, c'est une عبادة عظيمة. Et elle doit être fondée sur ce genre de paroles. Ce genre de fondement. التوحيد. Deuxième point. الثاني. ثاني من ماذا؟ المؤلف الذي deuxièmement de quoi؟ عندك. Et la base de ce din c'est deux points. Le premier, c'est qui le rappelle؟ تفضل. التوحيد. C'est ça le premier. Et l'appliquer, aimer ceux qui le font et détester ceux qui le délaissent. Deuxième point, الثاني الكفر بالطاغوت بأن ينذر ويحذر من الشرك بجميع صوره في ربوبيته في ربوبية الله وألوهيته. Deuxième point, on doit détester الشرك et on doit s'écarter du shirk et on doit détester الذين يتصفون بهذا الشرك أي المشركين. On doit les détester في الله. قال ومن الشرك الإلحاد في أسمائه وصفاته والأصل في ذلك قوله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. Ce verset كذلك فيه معنى لا إله إلا الله. قال عز وجل فمن يكفر بالطاغوت. Ça c'est la ilaha. Aïe. Tous ceux qui sont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bibatil. Wa yu'min billah, ithbatun. Ça c'est qawluna illallah. Aïe. Personne ne mérite l'adoration sauf Allah, excepté Allah. فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله كما فسر ذلك غير واحد من أهل العلم قال فلا يصح التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله. Deuxième point, le premier point qu'on a vu, التوحيد etc. il sera validé si ce موحد يكفر بالطاغوت. أي il sait et il est convaincu que An-Nasara, مثلاً, ils sont à la batil. Et c'est des kafaras. Il est convaincu que les Yahoud, كذلك, ils sont à la batil. Il est convaincu que ceux qui adorent des morts, des statues, ils sont à la khata, ou à la batil, ou à la dalal, adhim. C'est ça le kufr bil-ta'ud. Amma wahid, il adore Allah, subhanahu wa ta'ala. Thumma, tu lui cites le mushrikin, il te dit, là, c'est pas des kafaras. Est-ce que son tawhid, il est sahih? Abadan. Pourquoi? لأن الله عز وجل قال, فمن يكفر بالطاغوت. Vous avez remarqué que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité comme condition pour l'iman al-kufr bil-ta'ud. Qala faman yakfur bil-ta'ud wa yu'min billah. Fa croire en Allah c'est important, c'est la base. Lakin pour que cette croyance elle soit validée, on est obligé de nakfur bil-ta'ud. Al-kufr bil-ta'ud c'est détester al-shirk. C'est le rejeter, c'est savoir que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est faux. C'est pour ça que c'est grave ceux qui appellent à unifier les religions. C'est du kufr billah, comme ils ont démontré Ahlul Ilm. Pourquoi les Annaoum ils contredisent ce verset? Ba'd al-Nas, l'an, ils appellent à hada, bi kouwa. Annaou, il faut se rassembler, il faut rassembler les religions, on est tous des frères. Aha ulama kafaru bi ta'ud. Comment on va se rassembler avec un Yahoudi? La yu'min bi nabiyina Muhammad alayhi sallam, wa la yu'min bi al-Qur'an. On va se rassembler sur quoi? Kayfa najtami'a ma'a nasrani, avec un chrétien, et il a la croyance en Isa, c'est le fils d'Allah, iyadun billah. Nous, en tant que mu'minin, on mémorise tous qawl Allah azza wa jall, qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Si on récite hada, on doit comprendre kayfa on récite hada et on va rassembler avec un najis qui prétend que Allah il a un fils. Haqiqa din il est simple, lakin vous avez remarqué que ses fondements, l'un, si on s'étalerait à expliquer Harb al-Kuffar par rapport à ces deux fondements, فَالْكَلَمْ يَطُولُ. هذا ça montre qu'un musulman لابد يشتهد dans ces deux points. Il aime Fillah et il déteste Fillah. Al-Wala wal-Bara. Il applique le Tawhid et il s'écarte du Shirk. Ces deux fondements, le Tawhid, le contraire Shirk, et Al-Wala wal-Bara. C'est ça le résumé des deux points. Al-Wala wal-Bara est traduit par l'alliance et le désaveu. Aimer Fillah et détester Fillah. Qala al-Imam Sulayman ibn Abdullah, rahmatullah alayhi, le petit-fils de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, celui qui a cité ces deux points. Qala fi kitabihi an-Nafi' Taysir al-Aziz al-Hamid, l'explication de Kitab al-Tawhid, fa'lam anna al-ulama ajma'u ala anna man sarafa shay'an من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. إجماع العلماء, l'unanimité des savants, أن celui qui fait du shirk بالله عز وجل, الشرك الأكبر, مثلا il sacrifie pour les morts, il va voir un sorcier et il le croit, il invoque un wali, un salih, هؤلاء même s'il dit لا إله إلا الله, même si il fait le salat, même si il fait le siyam, même si il fait le hajj chaque année, laissa bi muslim, bi ijma' al-ulama. Al-ulama, quand ils parlent de haoula, al-mushrikin, c'est pas parce qu'ils n'adorent pas Allah, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'dhum, ils sont au masjid, layl nahar, ils font le hajj, ils sortent zakat. C'est quoi le problème l'an? Par rapport aux deux points, indak? Ahsant, annahum, ils se sont pas écartés du shirk. Vous vous rappelez du deuxième point? قال الثاني الانذار عن الشرك في عبادة الله. Tu dois t'écarter du shirk. فهذا الان, ce genre de personne, il fait salat, il fait siyam, il sort zakat, il fait le hajj, il adore Allah subhanahu wa ta'ala, lakin il lui manque وحده لا شريك له, Donc ça ne suffit pas d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala et s'écarter du kufr et du shirk. قال إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين أن لا يعبد إلا الله. La condition de l'islam, bien sûr, c'est prononcer les deux témoignages, أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Avec cette condition, adorer Allah seul. Allah subhanahu wa ta'ala يقول لئن أشركت لا يحبطن عملك. Que ce soit shahada, que ce soit salat, que ce soit zakat, que ce soit hajj, celui qui fait du shirk akbar, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui annule toutes ses œuvres. On a cité cette parole de Cheikh Sulaiman, awwalan, parce qu'il cite l'ijma, l'unanimité des savants, personne n'a le droit de contredire. Thaniyan, parce que l'amr, il est muhim. Ça ne suffit pas d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala et faire attention au shirk. Et shirk, il est propagé jiddan à notre époque. قال فمن أتى بهما حقيقة أو قال ونختصر ومجرد التلفظ بالشهادتين لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناها واعتقاده إجماعا. L'unanimité des savants, on a prononcé la shahada, c'est pas suffisant. Prononcer et l'appliquer. Un mouahid qui prononce et il égorge pour autre qu'Allah, il va voir les sorciers. Son fils il est malade, il va voir un wali. هذا أشرك بالله. Il fait du shirk billah azza wa jal. Ces a'mal, ils ne sont pas acceptés indallah. Tant qu'il ne délaisse pas ce shirk, il fait tawbah. Et s'il meurt à la hada, il est à la khatar. On précise bien sûr, quand on parle de fulan, ce n'est pas un musulman. Nous, on parle min hayth al-umum. Un tel qui fait telle chose, hada, ça revient à ahl al-ilm. Khassatan, s'il dit que c'est un musulman. فنحن لا نستعجل في هذا لأن بعض الناس ربما يكفرون un tel parce que pour eux il fait du shirk ou il fait كذا et عند التأمل ربما si c'est واحد qui connaît pas le tawhid ربما يستعجل et كفر son frère alors que son frère il avait besoin d'une nasiha d'un bayan فقط. هذا ça revient à أهل العلم مسألة التكفير. كذلك الشيخ عبد الرحمن ابن حسن إلى ستة لنانيمتي في الضرر السنية قال رحمة الله عليه وأجمع العلماء سلفا وخلفا أي les anciens parmi les سلف et les contemporains أي à l'époque de الشيخ عبد الرحمن قال من الصحابة والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة أن المرء لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر والبراءة منه وممن فعله. C'est exactement les deux points qu'on a cités. Al-insan, ça devient un musulman s'il adore Allah subhanahu wa ta'ala seul, il s'écarte du shirk, il déteste le shirk et il déteste le mushriki. Hada, ça devient un musulman. Et on a cité le verset فَمَا يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. نَكْتَفِي بِهَذَا الْقَدْرِ. Enfin, le résumé de ces deux points de ce cours, هَذَا الدِّينَ الْعَظِيمِ, il est fondé sur des bases. Et parmi ces fondements, ben le fondement de ce din, asluddin, wa qa'idatuhu, c'est la base principale de ce din, tout le reste est fondé sur cette base. As-salat, as-siyam, as-zakat, le bon comportement, dhikr, tout ce qui vient après c'est fondé sur cette base. Et cette base, Cheikhul Islam, il te la résume en deux points. Le premier, on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Al-amru bi'ibadatillahi wahdahu la sharika lah. Donc, al-amal, adorer Allah seul, wa at-tahrid 'ala dhalik, c'est encourager, appeler à hada, al-hath, wa al-muwalat fihi. كذلك, ce point qui est tawhid, unifier Allah dans l'adoration, on doit aimer ceux qui l'appliquent. Wa takfir man taraka, et on doit avoir cette conviction, à celui qui a délaissé le tawhid ou qui contredit le tawhid, c'est un kafir. Et on précise هنا par rapport au takfir ay min hayth al-umum amma at-tafasil, tout ce qui est par rapport au mu'ayyan ou al-udr bil jahl al-akhir, c'est des autres choses, c'est des autres points qu'on détaillera pas ici. Et nasiha li ikhwanina, tout ce qui est lié au tabdi' au takfir, هذه الامور العظيمه, de revenir à ahl al-ilm. Nous on est des débutants fi al-ilm et il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et ce point il est pas sahl. Lianna dire de son frère c'est un kafir, ça implique des choses très grave. Anna aussi meurt, il n'est pas enterré, on ne fait pas salat sur lui. S'il a délaissé un héritage, ses enfants ne le touchent pas. Anna aussi meurt, il est finnar, il a akhiré. Fal mas'ala li'azim. On n'ouvre pas le bab à tout le monde. Fihada. بعض الناس يقولون ما المسألة لواضحة سي لواضحة سيتنو لا parole d'un savant الحمد لله on prend tous la parole d'un savant ما تقول أنت أخي الكريم لا pas de poids لا مين كذلك فهذه المسائل on revient à أهل العلم بعض الناس ربما ils sont touchés par هذا son père مثلا il est mort et il faisait du shirk ou sa mère مثلا elle faisait كذا فنحن ننصحه أنه يدتايسنك أي دموض أهل العلم حتى الأمور sont واضحة. Deuxième point, الإنذار عن الشرك في عبادة الله. C'est le contraire du premier. أي, c'est une mise en garde contre le shirk. Ce din, il accepte pas الشرك في العبادة. ولا في الربوبية ولا في الأسماء والصفات. لكن العلماء يسيت في العبادة لأنه c'est ce qui est propagé. أما الربوبية, on a dit, أكثر الناس اللي reconnaissent. والتغليظ في ذلك. Ça montre que ce sujet, il n'est pas à prendre à la légère. At-taghlidhu fi dhalik, c'est grave. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala yaqul la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawm al-akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasoola. Et la chose la plus grave, c'est al-shirk. Fa al-mu'min, il n'aime pas ceux qui font du shirk. Même si c'est un proche, même si c'est un père, même si c'est une mère, il n'aime pas fi Allah azza wa jalla. Par rapport au din, il le déteste. لأنه سامشرك. دونك المسألة عظيمة. قال والمعاداة فيه والتكفير من فعله. المعاداة on a dit c'est fondé sur détester et éloigner. المسلم il aime pas المشرك. Il rapproche pas المشرك. قد يقول قائل لكن si c'est un père, si c'est une mère, si c'est un proche, t'as un bon comportement معه. Et il y aura des liens, un amour par rapport à ce lien. أنه c'est un proche. Il n'y a aucun mal في هذا. Asma, radiyallahu anha, la fille d'Abu Bakr, Siddiq, radiyallahu anha, elle a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sa mère, c'est une mushrika. Et elle a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa est-ce qu'elle continue à la voir, avoir un bon comportement? Le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, non. Ça, c'est la shakavi. Elle a le bon comportement et la da'wa. Lakin, dans le cœur, s'il fait du shirk, c'est un nasrani, c'est un yahoudi ou autre, alors, on doit le détester. Sans désespérer, et bien sûr, ad-da'wa, ce père, cette mère, si, Akhil Karim, tu lui fais da'wa, et tu lui montres, et tu as la bonne méthode, et tu fais du'a, ben ne désespère pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il est à la kulli shay'in qadir. Wa takfiru man fa'ala. Le premier, c'est takfir man taraka, et celui qui délaisse le tawhid, et le deuxième, takfir man fa'ala, et celui qui fait, et ash-shirk. C'est un kafir. Billahi azza wa jalla. نكتفي بهذا القدر. Réviser ces deux points et inshallah le prochain dars on continue et on révisera ces deux points qui sont très très importants. حياكم الله. Les références, le kalam que j'ai lu, نعم كثير منه اللي في الضرر السنية. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك الله.